elle ne sort jamais. Mais toi, tu dois lui sourire. Mais toi, toi tu dois bien lui parler. Elle ne te répond jamais. Putain, c'est nul.